Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 14 novembre. On va parler d'une nouvelle qui vient juste de tomber ce matin, décès de Thomas Ouellet de Dolbeau-Mistassini. Thomas Ouellet qui est l'un des grands bénévoles de l'histoire du complexe sportif du secteur de Dolbeau et de Mistassini. Il a été longtemps impliqué comme préposé à l'équipement des Castors de Dolbeau, ainsi qu'il a fait beaucoup de bénévolat auprès du hockey mineur également. Donc, c'est toute une génération de jeunes hockeyeurs de Dolbeau-Mistassini qui est touchée ce matin. Donc, la dépouille mortelle de Thomas Ouellet sera exposée samedi de midi à 15h30 et sera suivie d'une célébration de la parole qui sera célébrée au 2355 Boulevard Wahlberg au salon funéraire Hébert et Fils. Donc, on va essayer aujourd'hui de rejoindre quelqu'un du hockey mineur qui a bien connu Thomas Ouellet pour nous expliquer un peu lui et son frère Jean, qui est décédé l'an passé, d'expliquer l'implication qu'ils ont eue au hockey mineur. On va parler maintenant du côté du classement POC, puisqu'on est question du hockey mineur. Classement POC, comme à tous les mercredis, on vous donne le classement. Donc, au niveau Bantam, on retrouve les Rapides de Dolbeau-Mistassini au 72e rang. Les Ambassadeurs de Chipogamo, tant qu'à eux, occupent le 81e rang. Au niveau Junior, les Éperviers de Normandin occupent le 19e rang. Et les Sabres de Roberval au 25e rang. La finale du Bol d'Or sera célébrée samedi soir, alors que le Collège Antique va recevoir la visite des Gaillards de Jonquière. Hier, on a parlé avec Simon Gagnon. On est revenu sur le match, d'ailleurs, contre Saint-Hyacinthe. Victoire vraiment à l'arraché des Gaillards 18 à 17. Et Simon Gagnon nous parle du match. Je te dirais que ça a été dur pour vrai, là. On savait pas ce qui marchait pas, puis ça voulait pas y aller, ça voulait vraiment pas avancer. Fait que, veut pas, nous autres, à la défensive, on regarde, on dit, ouais, il va falloir y retourner, il va falloir être plus fort encore. C'est plus dur, c'est sûr, certains, on perd panique un peu sur le parti, mais on essaie tout le temps de garder le sang-froid, puis on dit qu'on est capable, on va donner tout ce qu'on a, on veut pas que ça soit notre dernier match, fait que... Ouais. Simon Gagnon nous parle du match et de la préparation contre le Collège Antique dans le match de samedi. Ouais, on a toutes leurs vidéos de tous leurs matchs qu'ils ont joué cette année. On va se mettre là-dedans. On a déjà commencé d'ailleurs. Hier, on avait un meeting avec tout le monde. On commençait tout de suite à regarder c'est quoi qu'ils font en profondeur. Puis chaque joueur de leur côté, on en fait tout aussi un peu... à la maison par nos temps libres. OK. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de dernierdusport.com. Hier, j'ai parlé avec Simon Gagnon des Gaillards de Jonquière, mais j'ai également entretenu avec d'autres intervenants, dont René Cadieux, qui nous analyse le jeu FIFA 2019. Le sport local et régional à dernierdusport.com. On s'en occupe.